Chapitre 11e. Mademoiselle Davin envoyait un homme qui se permettait de regarder la toilette de ses élèves par le carreau d'une fenêtre, s'était mise à pousser des cris affarés, un chien qui hurle au loup. « Monsieur, disait-elle, que faites-vous là ? Ceci n'est pas délicat. Ces enfants sont à leur toilette. Savez-vous que vous êtes dans un pensionnat de demoiselles ?» Puis, comme le marquis la regardait avec étonnement, elle se mit à crier « Boarding school for young girls, comprenez-vous maintenant ?» « Parfaitement. Je ne suis pas anglais, d'ailleurs. Je viens pour voir Denise Lajolet. Comédien, alors ? Ceci m'explique cette profanation inimaginable. » Sans répondre à cette explosion de colère qui, en toute autre circonstance, lui fait rire aux éclats, le marquis tira la lettre d'Emma et la présenta à la maîtresse de pension. « Si c'est pour les articles de Paris, continua la vieille demoiselle, je vous préviens que c'est inutile. Je prends tout ici. On est de son pays. » Le marquis se demandait s'il était folle, quand elle se décida à ouvrir la lettre d'Emma, alors il put l'examiner pendant qu'elle lisait. C'était une petite vieille, sèche, jaunée et ratatinée comme un coin trop mûr. En tout, l'aspect d'une personne hétéroclite, sans que le ridicule qui éclatait en elle de toutes parts, supprimât l'apparence bienveillante. « Monsieur le marquis, s'écria-t-elle en lisant la lettre, Monsieur le marquis de Rudemont, vous êtes marquis, que je suis désolé. Prenez donc la peine de me suivre au salon, je vous en conjure. » Comprenant à qui il y avait affaire, le marquis ne fit pas résistance. « Ainsi, disait Mademoiselle Davin tout en marchant, Madame Lajolet est malade, mourante. Cette pauvre madame, je vous demande pardon de l'appeler ainsi, mais jamais je ne pourrais me résigner à l'appeler mademoiselle, une personne qui a un enfant. Si le terme est impropre, j'en prends la responsabilité. Et vous venez chercher Denise ? La pauvre petite. Je dis pauvre petite parce qu'elle va rester orpheline, car elle n'a pas de père, n'est-ce pas ? Heureusement pour elle, vous êtes son parrain. Je ne savais pas qu'elle eut l'honneur de vous avoir pour parrain, et alors naturellement vous allez vous charger d'elle. Mais c'est égal, un parrain n'est pas un père. Je voudrais la voir, dit le marquis en interrompant ce flux de paroles. La maîtresse de pension se dirigea vers la porte, mais il l'arrêta. Il est inutile de lui révéler toute la vérité, c'est un soin qui me regarde. Dites-lui seulement qu'un ami de sa mère désire la voir. Je me charge du reste, ne me nommez pas. Mademoiselle Davin sortit, et dans les oreilles du marquis, restée seule, retentirent ses dernières paroles. « Naturellement, vous allez vous charger d'elle, mais un parrain n'est pas un père. » Ainsi cela paraissait naturel à ceux qui ne savaient pas la vérité. Pour tous, il paraissait impossible que cette orpheline ne l'eût pas pour protecteur. C'était près de lui que désormais elle devait vivre. Mademoiselle Davin rentra, mais sans amener Denise avec elle. « Elle s'arrange un peu, dit-elle, et elle vient bientôt. » À ce propos, il faut que je vous explique comment il se fait que vous l'avez vu s'occuper des petites, car je suis bien certaine que cela vous a surpris. Vous vous êtes dit sans doute que ce n'était pas là le rôle d'une élève. Justement raisonné, monsieur le marquis. Mais il faut que vous sachiez que je ne considère plus Denise comme une élève. Quand sa mère me l'a amenée il y a 5 ans, il avait été convenu qu'elle me la laisserait jusqu'à 13 ans, parce que dans mon institution, je n'ai pas de grande demoiselle. Je ne suis pas une personne à me vanter de ce qui n'est pas. À 13 ans, Denise devait me quitter, et elle a achevé son éducation dans une maison plus importante où elle trouverait des maîtres que je ne puis pas lui donner. Et pourquoi les choses ne se sont-elles pas passées ainsi? Je ne saurais trop vous dire, si ce n'est que comme Denise à 13 ans n'était pas très avancée, il était convenu qu'on ne me la reprendrait que l'année suivante. Mais l'année suivante, qui était l'année dernière, Madame Lajolet, toujours exacte à venir voir sa fille et à payer le prix de sa pension, n'est pas venue et n'a pas envoyé d'argent. Au bout d'un mois, j'ai écrit. On ne m'a pas répondu. Au bout de 2 mois, j'ai écrit de nouveau. Toujours pas de réponse. Comme cela pendant 4 mois. J'ai compris. Nous ne sommes pas pour rien dans un pays de nourrices. Je sais par expérience comment les Parisiens agissent souvent avec leurs enfants. On me laissait Denise. Ma pension est certainement une bonne pension, la meilleure du pays, je crois pouvoir le dire. Mais enfin, je n'ai pas gagné de quoi garder gratis les enfants qu'on abandonne. Je ne pouvais pas renvoyer Denise à Paris. Alors je l'ai employée dans la maison. Certainement, elle ne gagne pas la nourriture que je lui donne, mais elle fait ce qu'elle peut pour se rendre utile. Sa fille domestique. À cette pensée, le sang des Rudemont bouillonna en lui. Il y avait eu des bâtards dans la famille, mais aucun n'était tombé dans une position honteuse. Leur père avait veillé sur eux. Les fils avaient pris les armes. Les filles étaient entrées en religion. Si Emma avait été coupable envers sa fille, lui-même avait de lourds reproches à s'adresser. Il n'eût pas dû accepter ainsi, sans résistance, la parole d'une femme exaspérée par une rupture. En tout cas, il n'eût pas dû abandonner cet enfant. Dans le doute, il lui devait au moins la protection. Il l'accordait bien, cette protection, à des enfants trouvés, et il l'avait retirée à celle dont pendant 5 ans il s'était cru le père. La porte s'ouvrant interrompit ses réflexions. C'était Denise. En entrant, elle s'arrêta sur le seuil, et une rougeur subite empourpra ses joues et son front. « Approche donc, » dit Mademoiselle Davin. Elle fit quelques pas en avant et s'arrêta de nouveau, indécise et confuse. Qui la troublait ainsi? Était-ce de se trouver en présence de celui qui venait de la surprendre quelques instants auparavant au milieu des enfants? Ou bien était-ce l'embarras de se sentir dans une robe qui la déshabillait, plutôt qu'elle ne l'habillait? Elle était ridicule, en effet, cette robe, bonne pour une fille de 13 ans, mais de moitié trop courte pour une grande jeune fille telle qu'elle était maintenant. Vivement, le marquis se leva et alla au-devant d'elle. Instinctivement, il avait ouvert les bras pour l'embrasser, mais il s'arrêta dans ce mouvement et se contenta de lui prendre les deux mains. « Mon enfant, » dit-il, « je viens vous chercher de la part de votre mère pour vous conduire à Paris auprès d'elle. Ah, maman, quel bonheur !» Le marquis fut heureux de ce cri, dont l'accent était plein d'émotion et de joie. « Remercie donc, monsieur, » dit Mademoiselle Davin. « Quand une personne vous rend service, on la remercie, c'est la règle. » Denise leva la tête et ses yeux restèrent fixés sur le visage du marquis avec une expression indéfinissable. Le marquis se sentit tout troublé, tout ému. Sans parler, elle le regardait toujours. « Vous me reconnaissez ? » dit-il. « Je cherche. Il me semble que je vous ai déjà vu, mais je ne trouve pas où. Il me semble que c'est dans la nuit, peut-être dans un rêve. » Le marquis l'avait doucement attiré. Il la fit asseoir vis-à-vis de lui. « Vous souvenez-vous, » dit-il d'une voix mal assurée, « d'un âne à roulette, avec des paniers pleins de jouets, qu'on vous a donné quand vous étiez petite ? Mon âne, je crois bien. C'est mon parrain qui m'a donné mon âne. » Et qui est-ce qui vous a donné une perruche qui s'appelait Denise? Mon parrain. C'est aussi mon parrain qui m'a mené au cirque, où il y avait des juges en robe noire qui sautaient dans un tonneau. Et votre parrain, vous le rappelez-vous? Elle le regarda longuement. Il était très grand. Comme vous, monsieur, il avait l'air très bon. Comme vous, monsieur. Puis frappant vivement ses deux mains l'une contre l'autre, elle s'écria. Mon parrain, c'est vous, mon parrain! Cette fois, le marquis ne fut plus maître de son émotion. Il la saisit dans ses bras et longuement il l'embrassa. « Touchant, vraiment touchant !» s'écria Mademoiselle Davin en se mouchant avec fracas. L'heure pressait. « Mon enfant, » dit-il, « il faut partir. J'ai commandé la voiture pour 9 heures, et si nous nous mettions en retard, nous manquerions le train. Votre mère vous attend, allez vous préparer. » Lorsqu'elle fut partie, Mademoiselle Davin crut devoir entamer son éloge. C'était la meilleure petite fille du monde, douce, généreuse, toujours contente. Si agréable que fussent ses paroles, le marquis les interrompit. Il avait une affaire sérieuse à traiter avec Mademoiselle Davin, le prix de la pension que Mademoiselle Lajolet l'avait chargée de payer. Le retard avait été involontaire et dû seulement à la maladie. À cette annonce, Mademoiselle Davin redoubla de tendresse pour Denise. C'était une merveille, une véritable merveille, elle l'avait toujours dit. Quelle douleur de la perdre! Et elle recommença de se moucher. À ce moment, Denise entra. Elle avait les yeux rouges. « Vous voyez ?» s'écria Mademoiselle Davin. Elle aussi pleure à la pensée de quitter cette maison. Mais Denise ne savait pas mentir. « C'est si Denis Fraisier, » dit-elle, « qui me fait pleurer. J'étais lui dire adieu. Et alors la pauvre petite s'est mise à crier qu'elle ne voulait pas que je parte. Qu'est-ce que c'est que si Denis Fraisier? Une petite fille de 8 ans qui n'a ni mère ni père. J'en prenais soin. J'étais sa maman. Elle se désole. Elle veut que je l'emmène. C'est si triste de rester seule sans personne. Ne suis-je pas là ?» s'écria Mademoiselle Davin, agitant son mouchoir. En arrivant à l'hôtel, ils trouvèrent la voiture prête à partir, mais avant le marquis voulut que Denise déjeunât. Que désirait-elle? Une chose idéale dont elle avait envie depuis longtemps, une tasse de café au lait. Ce café au lait fut pour le marquis une cause d'émotion qui l'entraîna plus loin qu'il n'avait été jusqu'alors. Pour déjeuner, il s'était installé dans une petite salle dont la porte communiquant avec la cuisine était restée ouverte. Tout à coup, une odeur de lait brûlé se répandit partout. Le marquis se boucha le nez, tandis que Denise respira en dilatant ses narines. « Vous trouvez que ça sent mauvais ? » dit-elle. « Moi, je trouve que ça sent très bon. » Alors le marquis se rappela que sa mère aimait aussi cette odeur de lait brûlé. Que signifie cette ressemblance ? Elles sont rares, les personnes qui, par suite d'une perversion de l'odorat, aiment l'odeur du lait brûlé. Cette perversion qui existait chez sa mère se retrouvait chez Denise. Quelle bizarrerie ! Ou plutôt, n'y avait-il pas là un cas d'hérédité que les savants appellent l'atavisme, c'est-à-dire la reproduction chez les petits-enfants des qualités de leur grand-père ou de leur grand-mère? Mais alors, Denise était donc bien sa fille. Il en avait une preuve.